Chapitre 3 De l'espérance et de la charité. L'espérance, seconde vertu théologale, a presque la même force que la foi. Le désir est le père de la puissance. Quiconque désire fortement obtient. Cherchez, a dit Jésus-Christ, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Pythagore disait dans le même sens, la puissance habite auprès de la nécessité. Car nécessité implique privation, et la privation marche avec le désir. Père de la puissance, le désir ou l'espérance est un véritable génie. Il a cette virilité qui enfante et cette soif qui ne s'éteint jamais. Un homme se voit-il trompé dans ses projets? C'est qu'il n'a pas désiré avec ardeur. C'est qu'il a manqué de cet amour qui saisit tôt ou tard l'objet auquel il aspire, de cet amour qui, dans la divinité, embrasse tout et jouit de tous les mondes, par une immense espérance toujours satisfaite et qui renaît toujours. Il y a cependant une différence essentielle entre la foi et l'espérance considérées comme force. La foi a son foyer hors de nous. Elle nous vient d'un objet étranger. L'espérance, au contraire, naît au-dedans de nous, pour se porter au-dehors. On nous impose la première, notre propre désir fait naître la seconde. Celle-là est une obéissance, celle-ci un amour. Mais comme la foi engendre plus facilement les autres vertus, comme elle découle directement de Dieu, que par conséquent, étant une émanation de l'Éternel, elle est plus belle que l'espérance, qui n'est qu'une partie de l'homme. L'Église a dû placer la foi au premier rang. Mais l'espérance offre en elle-même un caractère particulier. C'est celui qui la met en rapport avec nos misères. Sans doute, elle fut révélée par le ciel, cette religion qui fit une vertu de l'espérance. Cette nourrice des infortunés, placée auprès de l'homme comme une mère auprès de son enfant malade, le berce dans ses bras, le suspend à sa mamelle intarissable et l'abreuve d'un lait qui calme ses douleurs. Elle veille à son chevet solitaire, elle l'endort par des chants magiques. N'est-il pas surprenant de voir l'espérance qu'il est si doux de garder et qui semble un mouvement naturel de l'âme, de la voir se transformer pour le chrétien en une vertu rigoureusement exigée, en sorte que, quoi qu'il fasse, on l'oblige de boire à longs traits à cette coupe enchantée, où tant de misérables s'estimeraient heureux de mouiller un instant leurs lèvres? Il y a plus, et c'est ici la merveille. Il sera récompensé d'avoir espéré, autrement d'avoir fait son propre bonheur. Le fidèle, toujours militant dans la vie, toujours aux prises avec l'ennemi, est traité par la religion, dans sa défaite, comme ces généraux vaincus que le Sénat romain recevait en triomphe, par la seule raison qu'il n'avait pas désespéré du salut final. Mais si les anciens attribuaient quelque chose de merveilleux à l'homme, que l'espoir n'abandonne jamais, qu'aurait-il pensé du chrétien qui, dans son étonnant langage, ne dit plus « entretenir », mais « pratiquer » l'espérance? Quant à la charité, fille de Jésus-Christ, elle signifie au sens propre « grâce et joie ». La religion, voulant réformer le cœur humain et tourner au profit des vertus nos affections et nos tendresses, a inventé une nouvelle passion. Elle ne s'est servie pour l'exprimer ni du mot d'amour, qui n'est pas assez sévère, ni du mot amitié, qui se perd au tombeau, ni du mot de pitié, trop voisin de l'orgueil. Mais elle a trouvé l'expression de charitas, charité, qui renferme les trois premières, et qui tient en même temps à quelque chose de céleste. Par là, elle dirige nos penchants vers le ciel, en les épurant et les reportant au Créateur. Par là, elle nous enseigne cette vérité merveilleuse, que les hommes doivent, pour ainsi dire, s'aimer à travers Dieu, qui spiritualise leur amour et ne laisse que l'immortelle essence en lui servant de passage. Mais si la charité est une vertu chrétienne, directement émanée de l'Éternel et de son Verbe, elle est aussi en étroite alliance avec la nature. C'est à cette harmonie continuelle du ciel et de la terre, de Dieu et de l'humanité, qu'on reconnaît le caractère de la vraie religion. Souvent, les institutions morales et politiques de l'Antiquité sont en contradiction avec les sentiments de l'âme. Le christianisme, au contraire, toujours d'accord avec les cœurs, ne commande point des vertus abstraites et solitaires, mais des vertus tirées de nos besoins et utiles à tous. Il a placé la charité comme un puits d'abondance dans les déserts de la vie. « La charité est patiente, dit l'apôtre, elle est douce, elle ne cherche à surpasser personne, elle n'agit point avec témérité, elle ne s'enfle point, elle n'est point ambitieuse, elle ne suit point ses intérêts, elle ne s'irrite point, elle ne pense point le mal, elle ne se réjouit point dans l'injustice, mais elle se plaît dans la vérité. Elle tolère tout, elle croit tout, elle espère tout. Elle souffre tout. Chapitre 4. Des lois morales ou du décalogue. Il est humiliant pour notre orgueil de trouver que les maximes de la sagesse humaine peuvent se renfermer dans quelques pages. Et dans ces pages, encore, combien d'erreurs ! Les lois de Minos et de Lycurgue ne sont restées debout après la chute des peuples pour lesquels elles furent érigées, que comme les pyramides des déserts, immortels palais de la mort. Loi du second Zoroastre. Le temps sans borne et incréé est le créateur de tout. La parole fut sa fille, et de sa fille naquit Orsmus, dieu du bien, et Arim-An, dieu du mal. Invoque le taureau céleste, père de l'herbe et de l'homme. L'œuvre la plus méritoire et de bien labourer son champ. Prie avec pureté de pensée, de parole et d'action. Enseigne le bien et le mal à ton fils, âgé de 5 ans. Que la loi frappe l'ingrat, qu'il meure le fils qui a désobéi 3 fois à son père. La loi déclare impure la femme qui passe à un second hymen. Frappe le faussaire de verge, méprise le menteur. À la fin et au renouvellement de l'année, observe 10 jours de fête. Loi indienne. L'univers est Vishnu. Tout ce qui a été, c'est lui. Tout ce qui est, c'est lui. Tout ce qui sera, c'est lui. Hommes, soyez égaux. Aime la vertu pour elle. Renonce aux fruits de tes œuvres. Mortel, sois sage. Tu seras fort comme 10 000 éléphants. L'âme est Dieu. Confesse les fautes de tes enfants au soleil et aux hommes, et purifie-toi dans l'eau du Gange. Lois égyptiennes. Chef, Dieu universel, ténèbres inconnues, obscurité impénétrable. Osiris est le Dieu bon, Typhon le Dieu méchant. Honore tes parents, suis la profession de ton père. Sois vertueux. Les juges du lac prononceront après ta mort sur tes œuvres. Lave ton corps 2 fois le jour et 2 fois la nuit. Vis de peu, ne révèle point les mystères. Loi de Minos. Ne jure point par les dieux. Jeune homme, n'examine point la loi. La loi déclare infâme quiconque n'a point d'amis. Que la femme adultère soit couronnée de laine et vendue. Que vos repas soient publics, votre vie frugale et vos danses guerrières. Entre parenthèses, nous ne donnerons point ici les lois de Lycurgue parce qu'elles ne font en partie que répéter celles de Minos. Loi de Solon. Que l'enfant qui néglige d'ensevelir son père, que celui qui ne le défend point, meure. Que le temple soit interdit à l'adultère, que le magistrat ivre boive la ciguë. La mort aux soldats lâches. La loi permet de tuer le citoyen qui demeure neutre au milieu des dissensions civiles. Que celui qui veut mourir le déclare à l'archonte et meure. Que le sacrilège meure. Épouse, guide ton époux aveugle. L'homme sans mœurs ne pourra gouverner. Loi primitive de Rome. Honore la petite fortune. Que l'homme soit laboureur et guerrier. Réserve le vin au vieillard. Condamne à mort le laboureur qui mange le bœuf. Loi des Gaules ou des Druides. L'univers est éternel, l'âme immortelle. Honore la nature. Défendez votre mère, votre patrie, la terre. Admets la femme dans tes conseils. Honore l'étranger et mets à part sa portion dans ta récolte. Que l'infâme soit ensevelie dans la boue. N'élève point de temple et ne confie l'histoire du passé qu'à ta mémoire. Homme, tu es libre, sois sans propriété. Honore le vieillard et que le jeune homme ne puisse déposer contre lui. Le brave sera récompensé après la mort et le lâche puni. Loi de Pythagore. Honore les dieux immortels tels qu'ils sont établis par la loi. Honore tes parents. Fais ce qui n'affligera pas ta mémoire. N'admets point le sommeil dans tes yeux avant d'avoir examiné trois fois dans ton âme les œuvres de ta journée. Demande-toi, où ai-je été? Qu'ai-je fait? Qu'aurais-je dû faire? Ainsi, après une vie sainte, lorsque ton corps retournera aux éléments, tu deviendras immortel et incorruptible. Tu ne pourras plus mourir. Tel est à peu près tout ce qu'on peut recueillir de cette antique sagesse des temps, si fameuse. Là, Dieu est représenté comme quelque chose d'obscur. Sans doute, mais à force de lumière, des ténèbres couvrent la vue lorsqu'on cherche à contempler le soleil. Ici, l'homme sans ami est déclaré infâme. Ce législateur a donc déclaré infâme presque tous les infortunés. Plus loin, le suicide devient loi. Enfin, quelques-uns de ces sages semblent oublier entièrement un être suprême. Et que de choses vagues, incohérentes, communes, dans la plupart de ces sentences. Les sages du portique et de l'académie énoncent tour à tour des maximes si contradictoires qu'on peut souvent prouver par le même livre que son auteur croyait et ne croyait point en Dieu, qu'il reconnaissait et ne reconnaissait point une vertu positive, que la liberté est le premier des biens et le despotisme le meilleur des gouvernements. Si au milieu de tant de perplexités, on voyait paraître un code de loi morale, sans contradiction, sans erreur, qui fit cesser nos incertitudes, qui nous apprit ce que nous devons croire de Dieu, et quels sont nos véritables rapports avec les hommes. Si ce code s'annonçait avec une assurance de ton et une simplicité de langage inconnue jusqu'alors, ne faudrait-il pas en conclure que ces lois ne peuvent émaner que du ciel ? Nous les avons, ces préceptes divins. Et quels préceptes pour le sage ! Et quels tableaux pour le poète ! Voyez cet homme qui descend de ses hauteurs brûlantes. Ses mains soutiennent une table de pierre sur sa poitrine. Son front est orné de deux rayons de feu. Son visage resplendit des gloires du Seigneur. La terreur de Jéhovah le précède. À l'horizon se déploie la chaîne du Liban avec ses éternelles neiges et ses cèdres fuyant dans le ciel. Prosternée au pied de la montagne, la postérité de Jacob se voile la tête, dans la crainte de voir Dieu et de mourir. Cependant les tonnerres se taisent, et voici venir une voix. « Écoute, ô toi Israël, moi Jéhovah, t'es Dieu qui t'es tiré de la terre de Mitzraïm, de la maison de servitude. » 1. Il ne sera point à toi d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras point d'idole par tes mains, ni aucune image de ce qui est dans les étonnantes eaux supérieures, ni sur la terre au-dessous, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne t'inclineras point devant les images, et tu ne les serviras point, car moi, je suis Jéhovah, tes dieux, le Dieu fort, le Dieu jaloux. Poursuivant l'iniquité des pères, l'iniquité de ceux qui me haïssent, sur les fils de la troisième et de la quatrième génération. Et je fais mille fois grâce à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 3. Tu ne prendras point le nom de Jéhovah, tes dieux, en vain. car il ne déclarera point innocent celui qui prendra son nom en vain. 4. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Et le jour 7e de Jéhovah, tes dieux, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton chameau, ni ton hôte, devant tes portes. Car en 6 jours, Jéhovah fit les merveilleuses eaux supérieures, la terre et la mer, et tout ce qui est en elles, et se reposa le 7e. Or Jéhovah le bénit et le sanctifia. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre, et par-delà la terre que Jéhovah, tes dieux, t'a donnée. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne seras point adultère. 8. Tu ne voleras point. 9. Tu ne porteras point contre ton voisin un faux témoignage. 10. Tu ne désireras point la maison de ton voisin, ni la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton voisin. Voilà les lois que l'Éternel a gravées, non seulement sur la pierre du Sinaï, mais encore dans le cœur de l'homme. On est frappé d'abord du caractère d'universalité qui distingue cette table divine des tables humaines qui la précèdent. C'est ici la loi de tous les peuples, de tous les climats, de tous les temps. Pythagore et Zoroastre s'adressent à des Grecs et à des Mèdes. Jéhovah parle à tous les hommes. On reconnaît ce Père Tout-Puissant qui veille sur la création et qui laisse également tomber de sa main le grain de blé qui nourrit l'insecte et le soleil qui l'éclaire. Rien n'est ensuite plus admirable dans leur simplicité pleine de justice que ces lois morales des Hébreux. Les païens ont recommandé d'honorer les auteurs de nos jours. Solon décerne la mort au mauvais fils. Que fait Dieu ? Il promet la vie à la piété filiale. Ce commandement est pris à la source même de la nature. Dieu fait un précepte de l'amour filial. Il n'en fait pas un de l'amour paternel. Il savait que le fils, en qui viennent se réunir les souvenirs et les espérances du père, ne serait souvent que trop aimé de ce dernier. Mais au fils, il commande d'aimer, car il connaissait l'inconstance et l'orgueil de la jeunesse. À la force du sens interne se joignent dans le décalogue, comme dans les autres œuvres du Tout-Puissant, la majesté et la grâce des formes. Le brahmane exprime lentement les trois présences de Dieu. Le nom de Jéhovah les énonce en un seul mot. Ce sont les trois temps du verbe être, unis par une combinaison sublime, hava, il fut, hova, étant, où il est, et je, qui, lorsqu'il se trouve placé devant les trois lettres radicales d'un verbe, indique le futur, en hébreu, il sera. Enfin, les législateurs antiques ont marqué dans leur code les époques des fêtes des nations. Mais le jour du repos d'Israël est le jour même du repos de Dieu. L'Hébreu et son héritier, le gentil, dans les heures de son obscur travail, n'a rien moins devant les yeux que la création successive de l'univers. La Grèce, pourtant si poétique, n'a jamais songé à rapporter les soins du laboureur ou de l'artisan à ces fameux instants où Dieu créa la lumière, traça la route au soleil et anima le cœur de l'homme. Loi de Dieu, que vous ressemblez peu à celle des hommes. Éternel comme le principe dont vous êtes émané, c'est en vain que les siècles s'écoulent. Vous résistez aux siècles, à la persécution et à la corruption même des peuples. Cette législation religieuse, organisée au sein des législations politiques, et néanmoins indépendante de leur destinée, est un grand prodige. Tandis que les formes des royaumes passent et se modifient, que le pouvoir roule de main en main au gré du sort, quelques chrétiens, restés fidèles au milieu des inconstances de la fortune, continuent d'adorer le même Dieu, de se soumettre aux mêmes lois, sans se croire dégagés de leurs liens par les révolutions, le malheur et l'exemple. Quelle religion, dans l'Antiquité, n'a pas perdu son influence morale en perdant ses prêtres et ses sacrifices? Où sont les mystères de l'antre de Trophonius et les secrets de Cérès et Lusine? Apollon n'est-il pas tombé avec Delphes, Baal avec Babylone, Sérapis avec Thèbes, Jupiter avec le Capitole? Le christianisme seul a souvent vu s'écrouler les édifices où se célébraient ces pompes, sans être ébranlé de la chute. Jésus-Christ n'a pas toujours eu des temples, mais tout est temple au Dieu vivant. Et la maison des morts, et la caverne de la montagne, et surtout le cœur du juste. Jésus-Christ n'a pas toujours eu des autels de porphyre, des chairs de cèdre et d'ivoire, et des heureux pour serviteurs. Mais une pierre au désert suffit pour y célébrer ses mystères, un arbre pour y prêcher ses lois, et un lit d'épines pour y pratiquer ses vertus. Fin du livre deuxième.